C'est la grande messe du NASCAR en fin de semaine avec le Daytona 500, évidemment, mais Raphaël Lessard court également. Ça commence ce soir. On y a parlé à Raphaël cette semaine. Donc, on va parler avec notre collaborateur qui revient encore une fois pour une autre année, Patrick Carpentier. Salut, Pat. Hey, salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien, Pat, évidemment. Donc, je vous souhaite une bonne année. À passer une bonne année de NASCAR. Ben oui, à toi aussi. Fait que, écoute, c'est sûr qu'avec Raphaël, c'est le fun de suivre. Écoute, j'y ai parlé, on va commencer avec la camionnette parce qu'évidemment, c'est ce qui nous intéresse le plus. Patrick, Raphaël sort 17e aujourd'hui. J'y ai parlé cette semaine. Le fait qu'il est avec GMS Racing, c'est une bonne équipe de pointe, encore une fois. Sauf que, est-ce que ça peut prendre un certain temps avant de s'acclimater avec son équipe? Les premières courses, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, j'imagine. Ben oui, exactement. Écoute, je veux pas vraiment parce que je regardais justement les stats puis tout ce qu'il a fait l'an passé. Puis il y a Daytona dans sa moyenne. C'est le troisième plus haut de tous les pilotes qui sont là. Fait que tu sais, il est assez à l'aise ce circuit-là. Il a bien roulé, je me rappelle l'an passé. Il avait réussi à bien se positionner puis tout, mais ça avait moins bien été à la fin de l'épreuve. Mais par contre, il était très à l'aise, tu sais. Fait que non, je pense qu'il y a autant de chances que n'importe quel autre pilote à Daytona. Ouais, j'ai vu par contre que les Toyota là, semblaient hyper, hyper rapides dans les pratiques. Okay. C'est eux autres qui avaient le haut du tableau. Fait que ça va rester à déterminer. C'est tout le temps une chose importante, évidemment, pendant l'épreuve. Mais non, au long de la saison, je vais te dire, l'équipe avec laquelle il a signé, ils ont fini un 2-3 au championnat l'an passé. Fait que pour lui, c'est de bon augure, plus d'expérience. Ça va se passer moins rapidement pour lui. Ouais. Est-ce que 17e, dis-moi, est-ce que GMS Racing, de ce que tu as lu, de ce que tu as appris l'année passée, c'était la meilleure équipe du plateau, est-ce que ça va l'être encore cette année? Ah, je pense que ça va être encore une excellente équipe. Oui, ça va être une équipe qui va être aux avant-plans. J'ai l'impression que Kyle Busch Motorsport, cette année, avec John Hunter Nemechek qui a remplacé Raphaël dans la 4, avec Chandler, quelques pilotes, là, ils vont mettre beaucoup, beaucoup d'efforts parce que Kyle Busch n'était pas très heureux de la performance de ses voitures l'an passé. Fait que je sais qu'eux autres, cette année, vont certainement revenir aux avant-plans aussi. Malheureusement, Raphaël était là l'an passé quand l'équipe n'était pas la plus performante nécessairement. Mais non, ça regarde, c'est de bonne augure. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. OK. Donc, ça va être à 19h30 Réseau des Sports, le réseau RIS, ben, anciennement RIS, là, RDS Info. Bon, c'est RDS Info, donc ça va commencer à 19h30 avec cette course-là. Du côté du Daytona 500 maintenant, à quoi tu vois la prochaine année du côté de NASCAR? C'est une bonne année cette année. Évidemment, il y a l'entrée en scène de l'équipe de Michael Jordan. Ça laisse personne indifférent. Également, ben, apparemment que Floyd Mayweather, le boxeur également, investirait dans une équipe. C'est une bonne affaire pour le NASCAR de voir des grosses personnes arriver. Oh oui, écoute, il y a des gros noms qui commencent à s'associer avec NASCAR. Ça fait vraiment monter la valeur des charters. C'était le but, la licence que ça prend pour avoir une équipe permanente en NASCAR. Il y en a beaucoup qui ont été changés de monde. On a perdu deux équipes avec Germain Racing, Spire Motorsport. Mais écoute, il y a d'autres équipes qui sont arrivées, dont celle de Michael Jordan qui va faire rouler Bubba Wallace, qui écoute, il est hyper rapide cette semaine là, dans les essais, dans les duels. Aussi terminé deuxième dans le duel. Fait que c'est de bon augure de ce côté-là. Puis aussi Suarez, qui lui a une nouvelle équipe avec celle de Justin Marks, qui va être dans la 99, qui était compétitif aussi. Fait que ça va être écoute, ça va être une année intéressante sur tous les plans parce que ils vont faire 7 circuits routiers. Écoute, c'est plus que jamais dans l'histoire du NASCAR. Donc, on s'en va vraiment dans cette direction-là, surtout avec la nouvelle voiture qui va arriver l'an prochain en NASCAR puis en F1. Ouais. Fait qu'on commence à préparer. C'est une voiture qui va ressembler plus à IMSA que d'autres choses. Mais sauf qu'on commence à en aller dans cette direction-là. Écoute, on fait des tournois deux fois cette année. Le premier sur l'Oval, puis le Daytona 500, puis la semaine d'après, on s'en va sur le routier. Okay. Fait que ça va être assez intéressant. Dis-moi, si on parlait maintenant des pilotes à surveiller, des changements, y a-t-il beaucoup de changements également du côté des réglementations et ainsi de suite? Au niveau des pilotes, ça, il y en a eu quand même, excuse-moi, il y en a eu quand même pas mal de changements là, avec les nouvelles équipes. Bubba Wallace qui est parti de chez Petty Motorsport, Eric Jones qui était chez Joe Gibbs Racing, remplacé par Christopher Bell, le retour de Kyle Larson aussi chez Hendrick Motorsport, beaucoup de changements. Ross Chastain qui s'en va chez Ganassi, ça peut causer des surprises aussi. Clint Bowyer qui a pris sa retraite. Fait que, écoute, il y en a des changements. La liste est très longue, à part les chefs d'équipe, qui en a beaucoup qui ont changé de place. Puis Kyle Busch, ça va être intéressant à suivre parce qu'il a perdu Adam Stevens, qui était un excellent chef d'équipe. Pour lui, Stevens a dit moi j'en ai assez. I'm out of here, je m'en vais. Fait que Steven est parti, puis il s'est en allé justement avec Christopher Bell. Fait que ça va être assez intéressant de ce côté-là. Mais écoute, ça va être super le fun parce qu'on s'en va sur la tête battue à Bristol au mois de mars, là, déjà au début. Les camions vont avoir deux courses sur terre battue aussi. Ça sera plus à Eldora, par exemple. On change de circuit. Fait que, ça va être un bon défi pour Raphaël. Plus de routiers. Raphaël était super à l'aise à Daytona sur ce petit routier l'an passé. Ouais. Il a roulé en avant du groupe. Beaucoup plus à l'aise que je pensais qu'il allait être. Faut pas oublier Alex Labbé non plus, parce que Alex, hyper fort sur ce petit routier. J'ai vu du côté des États-Unis dans les nouvelles qu'il donnait à propos d'Alex, qui était confirmé pour 12 épreuves là, au lieu de 4. Présentement, ça va continuer à augmenter aussi. Fait que non, c'est des bonnes nouvelles pour nos Québécois. OK. Alex Labbé, il se passe quoi avec lui? Alex Labbé, c'est ça. Il est confirmé pour 12 épreuves encore avec chez DGM. Et puis, il va continuer à travailler pour faire la saison au complet avec Martin Danjou, qui fait des miracles au niveau des commandites. On va lui souhaiter d'avoir de la bonne équipement, mais pour lui, ça commence à être intéressant aussi parce que tous les routiers, ils étaient top 5. Fait que, écoute, s'ils font plus de courses sur les routiers, ça va devenir intéressant. Hey, je parlais de... J'ai posé la question à Raphaël. C'est sûr que c'est pas lui qui s'occupe de ça, là. Pour revenir à Raphaël, j'ai posé la question. Est-ce que, toi, cette année, c'est de courir une ou deux courses en Infiniti? Parce qu'il va falloir... Il passera pas l'année en camionnette, là. Éventuellement, je sais pas c'est quoi le plan de match de l'équipe qui entoure Raphaël. Mais je pense que ce serait que. Comment tu trouves ça, Patrick? Puis aller faire une course ou deux, comme un peu comme Donald T. Tu sais, s'acheter un volant et aller au moins finir une course ou deux en Infiniti. Passer à une autre étape, là? En Infiniti, oui, ça serait intéressant. Écoute, ça donnerait peut-être un peu d'expérience de ce côté-là. Par contre, pour Raphaël, je te dirais, c'est plus important d'essayer d'aller dominer en série camionnette parce que ça va être sa seule façon de monter. Pour moi, je suis moins... je veux vraiment qu'il se concentre là-dessus pour essayer de monter le prochain niveau. Écoute, s'il gagne, je sais pas, moi, trois épreuves en camionnette ou quatre, d'après moi, ça va être beaucoup plus facile pour lui de trouver un volant Infiniti, tandis que s'il fait plusieurs séries, mais roule moyennement en camionnette, il n'ira pas nulle part de tout. Donc, lui, c'est de se concentrer, c'est ça que tu conseillerais... Moi, oui. Écoute, si l'opportunité se présente, ça ne lui coûte rien. Ils ont quelqu'un qui offre un... Voilà, mais tu sais, s'ils gagnent deux courses en camionnette, l'opportunité va se présenter en début de saison. Fait que c'est vraiment là qu'il faut qu'ils mettent ses efforts. Dis-moi, Dale Earnhardt Jr., Dale Earnhardt père, ça a fait 20 ans hier. Parle-moi de Dale Earnhardt père. Comment c'était? Est-ce qu'on peut le considérer comme l'un des plus grands pilotes, l'un des 3-4 plus grands pilotes de l'histoire du NASCAR? Ah oui, je te dirais, même si tu parles des grands pilotes sur la planète, là, définitivement. C'est un très grand pilote. Écoute, ayant fait le NASCAR puis les autres séries, je sais comment c'est difficile de piloter une NASCAR. Puis c'est un pilote hyper agressif, très, très, très rapide. Un champion, là, tu sais, un vrai, écoute, cette fois champion de la série, égal avec Johnson aussi, mais non, pour moi, Dale Earnhardt Jr., pas Junior, mais Dale Earnhardt le père, c'était quelqu'un de très, très, très exceptionnel. Dernier point que je veux, pour finir avec le NASCAR, est-ce qu'on prévoit avoir du monde dans les gradins dans les différentes épreuves? Je pense qu'on va avoir du monde dans les gradins, évidemment, comme on a vu un peu avec le Super Bowl, là, tu sais, ils vont permettre à 5-10 000 personnes d'assister aux épreuves de ce côté-là. Ça dépend encore une fois où quelle direction prend la pandémie, la nouvelle variante, tout ce qui se passe là, avec ça. Puis si ça va bien, mais je sais qu'on va aller de plus en plus avec de plus en plus de personnes dans les espaces, parce que je veux pas. C'est ça qui fait vivre les circuits de course aussi, là, fait que c'est important. Okay. Dernier point, je veux t'emmener sur la F1. On prévoit deux courses à Montréal cet été. C'est dans l'air. Comment tu trouverais ça? Je pense qu'on abolirait les essais, c'est ça? Et on ferait deux courses. Oui, c'est ça, c'est un peu c'est une continuité de Ouais. ce qu'on a fait l'an passé. Puis j'ai l'impression que c'est pas fixe encore, là. Il y a beaucoup de choses qui vont Ouais. peut-être changer, là, tout dépendamment de la direction où les choses s'en vont, ou si le vaccin, quel effet que ça a, est-ce que ça l'aide ou pas, si ainsi de suite, là. On est vraiment dépendant du COVID de ce côté-là. Pour le moment, c'est difficile de confirmer n'importe quoi. C'était supposé débuter en Australie, puis là, déjà là, c'est pas en Australie, ça va être à Bahreïn. Les essais qui se passent normalement en Espagne n'ont pas lieu là non plus. On va être à Bahreïn dans la semaine avant de la première épreuve. Il faut être flexible, je pense. On va voir ce que ça va donner. On se souhaite sérieusement que Montréal ait au moins une épreuve. S'il y en a une, je ne verrais pas pourquoi il n'y en aurait pas deux, parce que ça va limiter le voyagement définitivement, puis ça va donner d'une pierre deux coups. Ok, Pat, un gros merci. On va se reparler au courant de l'année. Merci à toi. Notre ami Patrick Carpentier qui nous parlait de